Bonjour. David parlait de faire une entrevue peut-être aujourd'hui, mais finalement, je pense qu'il n'est pas disponible. Moi, je ne serai pas disponible, mais quand lui, probablement qu'il va l'être, mais tant qu'à avoir sorti la caméra, puis le micro, puis tout ça, je vais aussi bien faire une vidéo. J'avais dit qu'il y a quatre personnes dans mon entourage, on commence à voir les effets psychologiques, les effets sur le physique, et puis aussi là, le fait que il y a une altération de la façon de socialiser, puis les effets que ça peut avoir. Il y a, dans les quatre personnes dont la santé s'était détériorée dernièrement dans mon entourage, il y en a une deuxième qui est décédée. Donc, j'ai dû aller au salon funéraire. Et puis, là, c'est certain, ça fait de la visite de la famille dans le coin. Donc, j'ai moins de temps que je voudrais. Puis, mais par contre, je me suis dit, bon, ben, je vais quand même faire une vidéo. Par rapport à tout ça, même si je ne suis pas d'accord avec le comment, je comprends le pourquoi. Même si ça n'a pas rapport avec, à mes yeux, un virus tel qu'on nous le dit, je peux comprendre jusqu'à un certain point le pourquoi. C'est le comment dont je ne suis pas d'accord. Puis par rapport au Québec, c'est plein de ressources. Puis je le sais que dans un futur proche, bon, ces ressources-là sont convoité par une espèce de vision qui transcende le national, et puis c'est là où je suis pas d'accord. Surtout que le Québec, on n'est pas beaucoup, on est loin d'être surpeuplé. Et par rapport à tout ça, c'est certain que je considère, comme beaucoup d'autres, les élus qui appliquent certaines choses un peu comme coupables d'une certaine trahison. Mais ce que je trouve d'insultant là-dedans, c'est le fait qu'il n'y a pas de notion. C'est tellement. La démocratie représentative n'a rien à voir avec l'état de droit individuel. Et c'est le côté hypocrite de ça que j'aime pas. Aussi le fait que certains individus ne sont pas respectés dans leur intelligence par rapport à une vision que je considère comme de l'eugénisme et du darwinisme social. Que ça vient de, entre autres, l'université Oxford, et puis la façon de mettre ça en application. On a la psychologie de masse, comme j'ai parlé il y a des années, qui vient en grande partie de l'Institut Tavistock. Et puis, c'est là où je deviens en colère, parce que même si jusqu'à un certain point, je peux comprendre les plans dans les plans, puis le propos derrière, puis certaines choses, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et aussi, l'espèce de. Moi, je me sens insulté dans mon intelligence parce que j'ai tout le temps été pour l'individu dans le sens d'un état de droit qui n'a rien à voir avec une démocratie comme on la conçoit. Parce qu'une démocratie, c'est la dictature de la majorité sur l'individu. Et la majorité est manipulable. Parce que le QI moyen, la majorité, c'est pas haut. C'est là où je suis pas d'accord. Où je me suis tout le temps, si on peut dire. Senti un peu mis sous le pas d'une majorité qui manque de discernement et dans un système où ce sont les plus manipulateurs qui décident et qui gouvernent, ceux qui sont capables de mener la majorité. Puis là, par rapport à ça, tant qu'à faire, prenez par exemple le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime et sa très colorée députée Madame Samson. Quand ils ont fait une pétition, par exemple, qui était déposée à l'Assemblée nationale, ça n'a pas passé parce qu'il y avait une coquille dedans. Ils ne sont pas assez organisés, eux autres, pour avoir un avocat ou un conseiller au niveau, là, par rapport là, au droit constitutionnel ou au droit, au niveau de l'Assemblée nationale, pour essayer, être capable de faire une pétition comme du monde. Eh bien, et comme là, la loi dernièrement qui a passé, ça prenait un vote d'un député pour l'empêcher de passer. Puis Mme Samson, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est abstenue. Ce qui fait que ça a passé, parce qu'il y avait l'unanimité des votants. Donc, c'est là que. Moi, personnellement, là, j'ai rien contre le théâtre, mais ça, c'est vraiment du mauvais théâtre d'été. Puis, j'embarque pas là-dedans 2 secondes. Puis pourtant, cette loi-là, à mes yeux, ça fait partie du théâtre. Parce que au niveau là, de la psychologie de masse, là, puis de la guerre d'image, M. Amalega, c'est pas fort. Je l'aime bien, je le trouve brillant, puis bien intentionné. Mais c'est pas comme ça que ça va se régler, je le dis depuis le début. C'est pas comme ça. Au contraire, ça nuit. Là, on a Dominique en hein, le glade, là, les baguettes en l'air. Laissez nos enfants tranquilles. Ouais. C'est ce genre d'actions-là qui sont sans discernement, qui ont mis la table à Madame Anglade pour qu'elle ait faire ça, là. Et ça la sert. Ça sert tout ça. C'est là où. C'est pas pour rien que au début de tout ça, je me suis retiré, puis je dis, moi, je veux pas avoir de rôle là-dedans. Puis je veux pas prendre position, puis je veux rester en retrait, puis regarder ça, mais il reste que, bon, j'ai des défauts, donc je suis un petit peu émotif, moi aussi. Puis aussi, ça me met en colère. C'est certain que ça me met en colère, surtout au niveau du dommage, au niveau psychologique par rapport au développement chez les plus jeunes. Que tout ça, là, ce que ça engendre, ça me met en colère. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement que d'être en colère. Surtout que le Québec, c'est loin d'être surpeuplé. Mais il y a tellement de richesses dans le sol du Québec, au niveau de certains métaux rares qui vont être extrêmement importants, au niveau d'une technologie qui s'en vient, de technologies qui s'en viennent, au niveau de l'eau, que. Si vous regardez là, les Georgia Guidestones, c'est écrit en plein de langues, hein, mais pas en français, comme si c'était une langue qui était dans un futur proche appelée à disparaître. C'est là que moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hier encore, là, il y a quelqu'un ici qui écoutait un film, puis c'était sur Élisabeth Tudor. Moi, ma colère commence là. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, notamment une certaine hégémonie qui dure depuis longtemps. Notamment là, le fait que, bon, M. Trudeau père, là, en 76, qui a passé une loi, puis là, on a eu une banque centrale comme les autres, et puis on peut parler là, des traîtres, de la trahison. Et c'est quelque chose qui était. C'est des choses qui étaient prévues depuis de longues dates. Et puis, c'est pas parce que je comprends pas, c'est parce que je ne suis pas d'accord. Tout simplement. Donc, je vois pas quoi dire d'autre pour aujourd'hui. Puis, ça fait quand même quoi? 7 minutes 53, 56, hein? Mais on va dire que ça va faire. Donc, bonne journée.